Dieu. Commence à monter. Commence à monter avec des bonnes paroles. Avec des bonnes paroles. Commence à monter. Il demeure Dieu. De l'éternité à l'éternité, il est Dieu. On va passer. Lui, il demeure toujours Dieu. Il est Dieu. Est-ce qu'un adorateur peut monter avec des bonnes paroles? Avec des bonnes paroles. Commence à monter, il est Dieu. Dans ma vie, il est Dieu. Dans ta vie, il est Dieu. Et il restera toujours Dieu. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. rend merci. Tu es souverain. Je me l'ai compris pendant quelques instants. Aujourd'hui, c'est le 30 avril. Le dernier jour du mois d'avril. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et j'aimerais que tu t'inclines en prière. Dis à Dieu, tout ce qui a traîné pendant ce mois, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu vas faire un miracle. Tout ce que je n'ai pas reçu pendant 4 mois, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, un miracle est possible. Bien-aimés, nous sommes en prière. Ça dépend de ton cœur. Dieu, il est prêt à nous donner ce que nous demandons. Tu as dit que ce n'est pas trop tard. Tu as dit que le mois ne va pas se terminer. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je veux voir un miracle. Tu as dit après 4 mois, comme tu avais dit après 3 jours, aujourd'hui, je veux te voir agir au nom de Jésus-Christ. Alors élève ta voix, commence à prier, élevons nos voix. Mais nous sommes en prière. Avant d'écouter la parole de ce soir, j'ai senti dans mon cœur qu'on prie pour le dernier jour. Élève ta voix, commence à prier. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois d'avril. C'est toi qui as fixé le mois, les jours et les années. Oh Dieu, tu m'as dit, après 4 mois, tu vas voir un miracle. Le mois est en train de se terminer. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, accompli, accompli, accompli, accompli le miracle, le miracle. Dieu te miracle, Dieu te miracle. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Dieu te miracle, Dieu te miracle, Dieu te miracle. C'est possible. Oui, encore quelques heures. Je crois au miracle, je crois au miracle, je crois au miracle. Jéhovah, encore quelques heures. Il y a des maladies qui n'ont pas quitté nos vies. Il y a des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution. Il y a des besoins qui ne sont pas pourvus. Il y a des demandes qui traînent de notre front. Oh Dieu, j'étais émerveillé quand quelqu'un m'appelle. Il dit, je me suis rappelé, je n'ai pas oublié. Et j'ai dit, si un homme n'a pas oublié, mais toi Dieu, a plus votre raison, toi Dieu. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Mieux vaut la fin que le commencement. C'est un jour merveilleux. C'est un jour merveilleux. C'est un jour merveilleux. Le dernier jour, il est toujours merveilleux. Le dernier jour de la fête. Je soif de ta présence, je soif de ta présence, je soif de ta présence. Ce sont les effets du dernier jour, ce soir, je soif de ta voix. Oh Dieu, oh Rabo Continue à prier, bien-aimé. Ce dernier jour doit être différent de tous les jours. Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours en prière. Demain, c'est le 1er mai. Un jour appelle un autre jour. J'aimerais que tu appelles les grandes choses au mois de mai. Dis Seigneur, le mois de mai qui commence demain, j'appelle les grandes choses. Je demande au vent de l'Orient, comme avait fait Esaïe. Il dit, vent souffle d'Orient, souffle d'Occident, souffle du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, que ces ossements desséchés reçoivent la vie. J'aimerais que tu appelles aussi les vents de tous les quatre coins. À partir de demain, que tous les ossements desséchés reçoivent la vie au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce soir selon que Esaïe a dit, selon que Ézéchiel l'a dit. Esprit, oh, c'est toi qui as prophétisé. Esprit, viens de tous les quatre vents, souffle sur les ossements desséchés. Je prie maintenant au mois de mai que le vent apporte de bonnes nouvelles dans ma vie, de bonnes nouvelles dans l'église, de bonnes nouvelles dans mon ministère, de bonnes nouvelles au milieu de mes enfants, au nom de Jésus. Je ne vois plus de ça, l'espérance d'un jour meilleur. Les forces me manquent pour me relever, de partout je suis attardé, de mes démons j'ai trouvé son destin. Et pourtant tu vois de mon trône, prie bien aimé, que les bonnes nouvelles viennent, que les bonnes nouvelles viennent. Là où les bonnes nouvelles sont cachées, je les libère au nom de Jésus. Là où les bonnes nouvelles sont bloquées, je les libère au nom de Jésus. Bien-aimés, je vais qu'on se mette debout pendant quelques moments. Alléluia. Tu vas continuer avec le même cantique, il n'y a pas de problème. On se met debout. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Là où les bonnes nouvelles de ta vie sont bloquées, là où les bonnes nouvelles sont cachées, oh, ce soir, tu vas réclamer, tu vas libérer les bonnes nouvelles qui doivent t'arriver dans la vie. Rien ne peut les bloquer. Toutes les portes qui bloquent, les bonnes nouvelles aujourd'hui, tu vas les libérer pour ce mois de mai qui commence demain au nom de Jésus. Élève nos voix et prions le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Là où les bonnes nouvelles sur mes enfants sont bloquées, je les libère. Là où les bonnes nouvelles pour mon travail sont bloquées, je les libère. Là où les bonnes nouvelles pour ma santé sont bloquées, je les libère. Là où les bonnes nouvelles pour ma famille, pour mes frères, pour mes soeurs sont bloqués, je les libère. Oh Seigneur, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Nathanaël l'a vu, il est parti à la rencontre de la bonne nouvelle. Ce soir, je vais être à la rencontre de la bonne nouvelle pour ma vie, au nom de Jésus. Thank you. Seigneur, merci. Pour ce dernier jour du mois d'avril. Merci pour le jour de demain, le début de mai. Tu es l'alpha et l'oméga. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, dans la vie, il y a des jours où vous priez différemment. Il y a aussi des heures où vous priez différemment. Je disais hier à quelqu'un à Lubumbashi que nous, les enfants de Dieu, nous avons ce qu'il faut, mais nous ne connaissons pas ce qu'il faut. Sisi batoto ya Mungu tuko na bile inapashwa lakini hatujui bile bizaidi inatupashwa. Nous avons vraiment ce qu'il nous faut. Bile inatupashwa tuko nabyo. Mais nous ne connaissons pas ce qu'il nous faut lakini que nous avons. Lakini hatujui bile tuko nabyo. Et c'est après que les gens réalisent que tiens, je suis à côté mais je ne sais pas. Kisha mtu atafumbula kama ni kwa pembeni ile kitu lakini sijui. Il y a des jours où tu dois prier différemment. Il y a des heures où tu dois prier différemment. Il y a des jours où tu dois faire les choses différemment. Il y a des heures où tu dois faire des choses différemment. Ce que je fais le matin, à mon réveil, ce n'est pas ce que je fais le soir avant de dormir. Ce n'est pas ce que je fais à midi quand je mange. Donc chaque heure a les choses qu'il faut faire. Est-ce que nous comprenons des principes divins? Chaque jour a des choses à faire. Le premier de chaque mois, je dois me comporter différemment. Le premier de chaque situation, c'est des prémices. Le dernier de chaque situation, c'est des actions de grâce. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Mais le problème ne réside pas seulement dans la prière. Il y a tellement de prophètes et de prophètes. Mais quand vous regardez la vie, loin des principes de Dieu, source féconde, rentrons dans les principes de Dieu. Nous avons ce qu'il nous faut. Faisons ce qu'il nous faut. Et nous verrons le Seigneur agir. Petit à petit, Dieu va agir. Et quand Dieu agit, d'abord on se demande quand est-ce qu'il a fait. On réalise seulement qu'il a déjà fait. C'est comme ça qu'à un moment donné, je me demandais entre Alpha et Omega, qu'est-ce qui précède? Évidemment, tout le monde dira que c'est Alpha. Mais moi, je me demandais, ce n'est pas Omega qui précède. Je me demandais, ce n'est pas la fin qui précède. Parce que Dieu voit la fin. Et il vient au commencement. Il commence à travailler pour arriver à la fin. Alléluia. Amen. Même dans ta vie, dans Dieu voit ta destinée. Il dit quand tu étais une masse informe, je te connaissais. Tous tes jours étaient fixés. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant qu'aucun ne puisse exister. Donc Dieu a fixé tous les jours. Et puis il est venu, il a commencé le commencement des jours. Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a pas encore achevé dans son plan. Si Dieu te donne quelque chose, il a déjà achevé dans son plan. Il est né, il savait qu'il mourra un jour. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, comprenons ces choses. Ça va nous aider pour notre vie. Depuis un temps, j'enseigne sur ce que Jésus a fait après sa résurrection. Je l'ai dit, je vais enseigner comme ça jusqu'à Pâques, Pentecôte, c'est le 8, jusqu'à 10 jours avant la Pentecôte. Et puis les 10 jours-là, nous serons en prière et en jeûne. Je vous donnerai le thème après. Mais ces choses vont nous aider. Jean chapitre 21, versets 1 à 7. Je m'arrête là pour ce soir. On ait le temps de prier. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Simoni Petro, Thomas, Tomasi, appelé Didim, Didimi, Nathanaël de Cana en Galilée, Wa Galilaya, les fils de Zébédée, wana wa Zébédayo, et deux autres disciples de Jésus na wawili wa Yesu, étaient ensemble. Wote Simon Pierre leur dit, Simoni Petro kawambia, je vais pêcher. Ninaenda kutafuta samaki. Il lui dit, bakamwambia, nous allons aussi avec tutaenda toi. Pamoja nawe. Ils sortirent wakatoka, et montèrent dans une barque. Wakapanda ndani ya chombo. Et cette nuit-là, na ile usiku, ils ne prirent rien. Wakupata kitu. Le matin étant venu, asubuhi na mapema ilifika, Jésus se trouva sur le rivage. Yesu akitua kwenye maji. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Wanafunzi hawakujua kama ilikuwa ni Yesu. Jésus leur dit, Yesu enfant, watoto, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Apana. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur. Nous sommes en train de voir comment Jésus s'est montré après sa résurrection. Dimanche, nous avons parlé que Jésus est apparu aux disciples qui étaient enfermés. Il leur a montré ses mains. Il a montré ses côtés. Thomas n'était pas là et puis Thomas est revenu. Et nous avons dit le dimanche que les disciples devaient enlever dans leur tête quelque chose. Que ce n'était ni Caïphe, ni Pilate. Voilà Pilato, qui avait le dernier mot sur Jésus-Christ. Le dernier mot sur Jésus-Christ appartenait à Dieu. Parce qu'il avait dit, après trois jours, je ressusciterai. Et nous avons dit le dimanche que le dernier mot de ta vie appartient à Dieu, n'appartient pas à tes ennemis. Même si tes ennemis, ils soulèvent la grosse pierre qu'ils plantent, ils bloquent ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, même si tu es bloqué dans une tombe, dans une situation où les hommes disent que tu n'en sortiras pas, ce n'est pas grave. Le dernier mot de ta vie appartient à l'Éternel et non aux hommes. Quelle que soit la puissance des armes qu'ils ont. Généralement, quand nous voyons quelqu'un qui est très armé, très fort, nous sommes démolis. Non, bien-aimé, reprends courage. Parce que le dernier mot de ta vie appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et dimanche, nous avons dit ceci. Jésus a montré ses mains. Il a dit à Thomas, viens mettre ton doigt. Nous avons dit que les mains, on avait mis des clous, on a tapé plusieurs fois. Les côtés, on a mis l'épée grosse comme ça. Oh, nous avons dit ceci. Quelles que soient les blessures que tu as eues dans ta vie, Dieu est capable de les cicatriser. Et nous avons prié pour que le Seigneur puisse cicatriser les blessures que nous avons eu dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas revenir sur ça. Nous voulons avancer encore d'un petit pas. Ce soir, Dieu nous dit quelque chose de merveilleux. Il avait dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Donc, il s'est montré avant. Là, il s'est montré une deuxième fois sur les bords de la mer de Tibériade. Et la Bible dit que voici de quelle manière il se montra. Comment Jésus se montre sur le bord de la mer de Tibériade. Je méditais, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, tous les disciples étaient ensemble. Et Simon a dit, allons pêcher. Simon a dit, très profond, bien-aimé. Nous sommes en train d'étudier et de méditer la parole de Dieu. Ce matin, plutôt ce soir, j'aimerais que nous puissions prier et étudier quelque chose. Être délivré de la tentation de rentrer dans notre ancienne vie. Délivré de la tentation de rentrer dans notre ancienne vie. Pourquoi vous n'avez pas de notes? Vous êtes très intelligente. Pas de big, pas de notes. Le premier à l'école, il faut toujours écrire. Ça permet de retenir, ça permet de méditer la parole de Dieu. Ça nous aide. Écrivez même sur votre note de téléphone. Alléluia. Amen. Délivré de la tentation de rentrer dans notre ancienne vie. Il y a toujours dans l'homme une tentation de rentrer dans son ancienne vie. Il y a toujours dans l'homme une tentation de rentrer dans ses anciennes habitudes. À un moment donné, vous allez entendre même quand il prie. Seigneur, moi j'étais comme ceci. Personne ne s'est moqué de moi. Il y a toujours cela. Une tentation de rentrer dans son ancienne vie. Psaume 73. Zaburi makumi saba na tatu. Verset 14 à 16, et puis on va revenir à ce texte. Psaume 73, Zaburi makumi saba na tatu. Verset 4. Chaque jour, kila siku, je suis frappé. Mina bizwa. Tous les matins, siku zote asubuhi, mon châtiment est là. Mapigo yangu iko pale. Donc chaque jour j'ai des problèmes. Kila siku niko na matatizo. Le matin je me réveille. Asubuhi tena ninaamuka. Mon châtiment est là. Mapigo yangu iko pale. Mes problèmes sont là. Matatizo yangu iko pale. Alors il se pose des questions. Anajiuliza maulizo mbalimbali. Si je disais, kama ningeliweza kusema, je vais parler comme eux. Nikisema kama wao. Donc même David. Hata Daudi mwenyewe. À un moment donné c'est dit. Que je parle comme eux. Même s'ils parlent mal, ils sont bien. Même s'ils font le mal, ils sont bien. Ils ont un bon point. Ils ont de l'argent. Ils ont de bons mariages. Ils ont de bons véhicules. Mais si je dis mais que je fasse comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Donc la tentation était très grande. La tentation de rentrer dans les anciennes choses. Il y a toujours dans l'homme la tentation de rentrer dans l'ancienne vie. Il y a toujours dans l'homme la tentation de rentrer dans des anciennes habitudes. On ne jouait pas avec moi. Je faisais ceci. Bien-aimé, nous prions, c'est vrai. Et beaucoup de gens prient. Très peu sont brisés. Alléluia. Amen. Très peu sont brisés. Où tu mets les pieds, on te piétine. Tu dis non, c'est pas grave. Tu veux réagir. Si je fais comme eux, il dit je vais trahir Dieu. Mais puis il dit mais je commence à réfléchir à ces choses, ça commence à me faire mal. Les disciples, quand Jésus est mort, bien sûr, il est ressuscité. On leur a dit, ils ont vu. Mais il n'était plus permanent avec eux. Délivré de la tentation de rentrer dans l'ancienne vie. Oh, il y a plusieurs. Comme nous ne voyons pas Jésus-Christ, nous sommes tentés de rentrer dans l'ancienne vie. Regardons-nous sincèrement ce matin quand nous quittons l'église. Quand nous allons dans nos maisons, comment nous réagissons? Quand nous sommes au travail, quand nous sommes face à des épreuves, au moment des deuils, au moment de nos mutuelles, plusieurs, Shibaluba, nous qui sommes Luba, à tout pendant que Biaïv, nous n'aimons pas des choses pareilles. Tu t'as coupé là, tu t'as coupé, coupé. Plusieurs, c'est vrai, bien aimé, ni bien quoi ni wapendwa. Jésus n'est pas là. Yesu pale hanako. Pierre dit. Petro anasema. En tout cas, basi hivi, je rentre dans mon ancienne vie. Ninarudia kumaisha yangu ya zamani. Je rentre dans mon ancien métier. Narudia kumakazi yangu ya zamani. Frère, ndugu yangu. Aujourd'hui là tu es où? Leo hapo uko wapi? Tu es déjà rentré? Ou tu es sur le chemin de rentrer. Il y en a qui sont même pas sur le chemin. Ils sont déjà rentrés, ils sont même assis dans l'ancienne. Pierre dit, Petro anasema, je rentre pour pécher. Je rentre. Mais ce qui est quand même bien, qu'ils ont gardé de Jésus-Christ. Ils étaient tous ensemble. Mais vous pouvez pécher tous ensemble. Hein? Vous pouvez faire des mauvaises choses tous ensemble. Ils ont décidé de rentrer dans l'ancienne vie. Dans l'ancien travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus vu Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de ça. Que nous puissions comprendre que dans l'homme, il y a toute cette tentation de rentrer dans l'ancienne vie. Je comprends pourquoi Paul par la Timothée. Paul anasema na Timothée. Que nous regardions la fin de leur vie et imitions-les. Je me demande finalement entre Alpha et Omega, qu'est-ce qui est bien? Ona katikati ya Alpha na Omega, nini inakuwa kupendeza kabisa? Parce que être chrétien c'est bien. Kuyamu Kristo ni mzuri. Terminer chrétien c'est mieux. Sasa kumaliza kama mkristo inakuwa kiema kabisa. Être serviteur c'est bien. Kuyamu tumishi ni mzuri. Terminer serviteur c'est mieux. Sasa kumaliza kuyamu tumishi c'est difficile. Ni kigumu kabisa. Frères et sœurs. Ndugu na dada. C'est difficile. Hakika ni kigumu. C'est difficile. Ni kigumu bantu. Il y a cette tentation de rentrer toujours dans. Majaribu ya kurudia mkazi ya zamani iko hapo. Celui-ci prend. Oui, il y en a beba, ça nafika wakati ya. Tu sais que tel a pris. Kwa natuongea bega se fulani ni beba. Tu dis non. Nasema pana. On dit est-ce que toi tu veux dire que tu n'es pas comme tout le monde? Wewe unasema una saba mtu yote. Le cœur bat dans tous les sens. Moi, je pique, pique tout. Et puis tu te fortifies quand même. Tu dis, non, je ne suis pas comme tout le monde. Et tu ne sais pas, parce que tu sors, les problèmes qui t'attendent. Oh, bien-aimé. Il n'y a que la grâce de Dieu. Et ce sont des choses que nous devons comprendre. Vous savez, la vie chrétienne, je comprends. C'est, nous devons prier, c'est vrai. C'est notre relation avec Christ. Mais vivre la vie chrétienne, c'est au-delà de la prière. Amen. Les gens prient abondamment. Je passe à Lubumbashi, Mujangwa, Mukupama. Je m'arrête à Kawama, je regarde na Manumba Bachakuye. Du côté Kawama, ils ont même construit des maisons là-bas. Mais combien vivons? Les gens prient, les gens prophétisent. Les gens prophétisent. En tout cas, je ne manque pas une semaine. C'est pour ça que Juma Moya. Sans que deux ou trois personnes m'appellent de n'importe où. Il a bantu bila otaku à Saoudi. Nous avons une parole pour vous. À Saoudi. Nous avons reçu une parole pour toi. À Saoudi. Nous avons reçu une parole pour toi. Donc les gens prient. Manake komba bantu wanaomba. Mais nous, est-ce que nous vivons vraiment? Si c'est tout qu'on a ici, il est. Les disciples, à cause de ça, sont rentrés dans leur ancienne vie. Regardez maintenant ce qui a suivi. Quand nous rentrons dans l'ancienne vie, parce que c'est sans l'autorisation de Dieu, Dieu te veut dans la nouvelle vie. Dans l'ancienne vie, Dieu n'est pas là. Un des indicateurs pour savoir que Dieu n'est pas là, c'est que les gens commencent à se débrouiller eux-mêmes. Plusieurs, on se débrouille. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. On pense que c'est avec notre effort qu'on va trouver les poissons. Les poissons représentent la richesse. Dans la Bible, les poissons représentent l'argent. Écoutez, on a besoin d'argent. Jésus dit à Pierre, va trouver un poisson, tu ouvres la bouche, tu vas prendre l'argent. C'est symbole de l'argent, c'est symbole de l'argent. Le monde a changé. Les gens sont dans tous les sens pour avoir l'argent qu'ils n'ont jamais eu. Et s'ils ont, ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas satisfaits. On cherche encore et encore. On se débrouille. Et le matin, Jésus a ses heures. Le matin, Jésus arrive au bord. Tibériade représente quelqu'un qui rentre dans l'ancienne situation qu'il avait abandonné avant. Le matin, il y a toujours un temps. C'est le temps de déception. Quelqu'un travaille toute la nuit. Il n'a rien pris. C'est quand il lave le filet le matin que Jésus arrive. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus ressuscité, il vient au secours des gens qui sont déçus parce qu'ils se sont tellement débrouillés dans leur vie et qu'ils n'ont pas eu de résultats. Tu n'as pas eu les résultats que tu attendais la nuit. Tu n'as pas eu le résultat que tu attendais dans ton travail. Tu n'as pas eu le résultat que tu attendais dans ton mariage, dans ta vie. Mais quand nous réfléchissons à notre vie, il y a des idées qui nous viennent dans tous les sens. Jésus était au bord. Jésus a même dit, mes enfants, enfants. C'est-à-dire que là, c'est déjà le Père qui parle. N'avez-vous rien eu à manger? Le Seigneur ressuscité, il va jusqu'à s'intéresser à notre manger. Donc il va jusqu'à s'intéresser aux choses de notre corps. C'est pourquoi ce soir, je suis convaincu que s'il y a des choses qui perturbent notre corps, telles que la maladie, telles que la nourriture, telles que les problèmes, Jésus-Christ ressuscité, il est capable de nous guérir, il est capable de pourvoir à tous nos besoins du corps. Il n'y a pas que le besoin du manger, il y a le besoin de la guérison, il y a le besoin de la paix, il y a le besoin de l'équilibre. Jésus-Christ est capable ce soir de pourvoir à tous nos besoins. Alléluia. Amen. Oh, le temps est arrivé. Nous devons comprendre certaines choses. Tu es tenté de retourner dans des anciennes habitudes. Tu es chrétien. Tu es tenté de retourner à voler des petites choses au travail. Tu es tenté de récupérer les anciennes habitudes qui te faisaient du bien, qui te donnaient de l'argent. Ce qui est terrible, quand on devient chrétien, on dirait que toute la vie bascule. Ce qui me donnait l'argent hier, ce n'est pas ce qui va me donner forcément l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va m'ouvrir d'autres portes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le monde souffre. Ce n'est pas à cause du diable. Le monde souffre. C'est à cause de nous, enfants de Dieu. Il y a très peu. Très peu. À des postes de responsabilité qui restent intègres comme enfants de Dieu. On prie qu'on n'a pas de responsabilité. On fait des promesses, on jure. Oh bien-aimé, délivré de la tentation de rentrer dans les anciennes habitudes. Est-ce que nous pouvons prier pour ça ce soir? Que Dieu nous fasse grâce. Chacun de nous. Ça serait la même manière que je parle beaucoup. Je pense qu'on va continuer après. Je pense que nous puissions que chacun prie d'abord. Seigneur, délivre-moi. Mon cœur ici, de temps en temps, je réfléchis à ce qui se passe. Je suis tenté de rentrer dans les anciennes habitudes, les habitudes de Tibériade que j'avais avant. Mais viens à l'heure de ma déception. David a dit, quand je réfléchis, ma difficulté fut très grande. Je me dis, si je fais comme eux, je vais trahir la race des enfants de Dieu. Oh bien, mais c'est important. Dans la vie, C'est important. C'est important. Aujourd'hui, nous sommes plus que 12, plus que 13. Jésus avec 12 ou 11, le monde a changé. C'est parce qu'il n'y a pas encore de cassure. Mais nous voulons prier. Il y a toujours risque. Il y a toujours risque. Il y a toujours risque. Il y a toujours risque. Mais j'ai entendu des choses horribles des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. C'est comme ça qu'à un moment donné, il m'a mis dans mon lobby, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Je l'ai dit devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Que le cœur change seulement. Devant le Seigneur. J'emporte des foulards. Et les gens me disent en face comme ça. Nous sommes allés à Kasumbalesa. Allez chercher des fétiches. Ba diakones. Sont des mamans diakones. Na bitambala. Portant encore des foulards. Non, non. Pan. Non. A pan. Non, non. A pan. Non, bien aimé. A pan a vilewapendwa. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie mangaribi leo. Que Dieu nous aide. Hakika Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Nous voulons prier. Le Seigneur est là. La Bible dit que eux ne le savaient pas. Ils ne le voyaient pas. Ils le voyaient comme un homme quelconque. Je me demande pourquoi nous n'avons pas fait attention que le matin, il n'y a personne au bord de la mer. Il y a une seule personne. Au lieu de s'intéresser à cette unique personne, ils oublient que c'était Jésus-Christ. Mais il y a des moments où dans la vie, tu es plus intéressé par tes problèmes que tu oublies qu'il n'y a que Dieu unique qui peut t'aider. Comprends ce soir qu'il n'y a que Dieu unique. Il va nous aider. Ne rentrons pas dans nos anciennes habitudes. Non, bien-aimé. C'est vrai que c'est difficile. David dit la difficulté fut grande. Mais le Seigneur va nous aider. Ce soir, que Dieu puisse nous aider. J'aimerais qu'on puisse prier. Je m'arrête ici. Parce qu'après, j'ai une communication à donner à l'église. On va continuer ce vendredi. On va continuer dimanche et la semaine prochaine. Que le Seigneur puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider. Demain, comme c'est le 1er mai, j'aimerais être là à la prière matinale. Nous allons prier à la prière matinale, c'est le premier jour. Comme ça coïncide que je sois là, j'aimerais être là. Tous les serviteurs et servantes qui peuvent être là demain matin, venez. Nous voulons passer ne plus qu'une heure de prière pour consacrer le mois de mai. Nous le consacrer au Seigneur. Je suis convaincu qu'on ne doit pas laisser les mois passer, venir et partir. Nous voulons appeler à l'existence les choses qui n'existent pas au mois de mai. Parce qu'on avait dit que j'appelle l'existence des choses qui n'existent pas. Alors nous sommes là demain à partir de 6h et pour prier. Mais ce soir d'abord nous voulons prier. Délivrer de la tentation. De rentrer dans les anciennes choses. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier pour toi-même, bien-aimé. Ici c'est toi-même. C'est la profondeur. C'est la profondeur du cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais-nous grâce Seigneur. Fais-nous grâce Seigneur. Tu as prié pour ta vie. J'aimerais que tu pries aussi pour ta situation. Bien qu'on va revenir sur ce point demain matin. Ma Isha Kule Mungwari Kutosha Usirudieku. C'est vrai. Apachise mais pas que ma Isha en Zambi. Ça aussi. Mais à ma niveau, Kule Mungwari Kutosha Usirudieku Tena. Usirudieku Tena. David a connu ce moment. Il a commencé à marcher pieds nus dans le désert à cause de Absalom, à cause de sa chair. Et il a prié le Seigneur. Mais il a peine d'ombre mungu. Mais mungu, kulorini tosa. Nishirudi ekoten. Katika tina la Yesu. Il est ma tête. Kule mungu arikutosa. Bakupata sama kipaka wende patibela de bouche kubote. Oh leo mungu afanye ko unaenda kupata sama aina kutumika paka bouche ko katika jina la Yesu. Élève ta voix, commence à prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Mungu te fanye konene, c'est possible. C'est possible. Couleur de tout ça, par courrier, par piscine. Oh, mon, mina on va vouloir quoi? Mungu atufanye konema. Beneme ata bazazi yako. Mungu mufamie enu. Mushurude kumateso kule mulitoka. Paske paile ni wacha kufika kurude kule mulitoka. Utapata malaria ya roho. Mungu atufanye konema. Tu prie pour tes parents. Tu prie pour toi-même. On va revenir sur ça demain matin. C'est pourquoi j'aimerais que les serviteurs qui peuvent être là sur le premier jour, comme j'ai dit,